Ce qu'il y a de bien avec l'arrivée de l'hiver est que les gens sortent de moins en moins. Et qui dit moins de gens à l'extérieur dit moins de probabilité de tomber sur des cons. Et justement à ce sujet, hier, je suis allé au bureau de poste pour envoyer un colis à mon oncle Creepy de Transylvanie. Le pauvre n'arrive plus à trouver de bons albums death metal et je me fais un devoir de lui en procurer. Toujours est-il que je vais au bureau de poste et donne le colis au commis. Tout est prêt, adressé, etc. Il regarde l'adresse et me jette un coup d'œil étrange. Quoique, de toute manière, son regard l'aurait été tout de même. Je lui dis « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, abruti? » Il me répond « Ce n'est pas un nom et une adresse correcte, ça. Oncle Creepy, crypte de la forêt du diable. » Je lui réponds « OK. Et comment est-ce que je devrais adresser autrement le colis puisqu'il s'appelle comme ça et qu'il demeure à cet endroit? » Le crétin me répond « Il faut un nom, une adresse complète et normale pour faire l'envoi, sinon le colis ne se rendra pas à destination. » Je lui réponds « Bon, écoute-moi, pauvre guignol de service, je ne l'ai pas baptisé et ça, c'est son adresse, un point, c'est tout. Mais si tu crois que l'information pourrait ne pas convenir et que le colis ne se rende pas à bonne destination comme prévu, nous allons procéder autrement. » Et on va voir quel est ton niveau de souplesse. Je l'ai foutu dans la boîte. Maintenant, tu pourras suivre tout le trajet et t'assurer que mon colis arrivera bien chez mon oncle Creepy, pauvre tâche. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il est contrarié, parce qu'il peut facilement vous mettre en boîte. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. Cause hi, Pendragon said so. Débutons avec un bloc consacré à 1986. Go! Yeah.

Et on a pu avoir la formation Slayer, évidemment, reconnue et reconnaissable de tous. Et non, vous auriez cru que c'était pas Smarten, bien non, c'était Angel of Death. C'est tiré de Rain and Blood, bien sûr, leur troisième album paru en 1986, évidemment, sur l'étiquette Def Jam. Juste auparavant, nous avions Sacrifice, formation canadienne, et un extrait de leur premier album, Torment and Fire, la pièce Sacrifice, voilà, tout simplement, qui était apparue sur Diabolic Force. Bon, évidemment, dans ce bloc, il y a eu des pièces qui sonnaient un petit peu moins bien, telles Sacrifice, faut faire avec, hein. Les enregistrements, à l'époque, c'était pas toujours... si on compare Sacrifice à Slayer, il y a eu un méchant écart entre les deux. Malgré que c'est la même année, Slayer, on voit déjà qu'il y avait probablement des moyens qui étaient supérieurs au niveau de la production aussi, du temps d'enregistrement de studio. Sacrifice n'avait pas pour le premier album, ce qui explique des choses ma foi, ne sont... Ça peut pas être facilement repris, on s'entend. Je crois que même s'il y avait des rééditions avec des remasters de ces albums-là, je suis pas certain que ça améliorait probablement sensiblement la chose, mais pas à un point tel pour dire « Wow, ça sonne tellement bien ». Je crois pas. Mais peu importe, ça fait partie de l'histoire. Possessed, formation américaine, et la pièce « Tribulation » tirée de « Beyond the Gates », leur deuxième album paru sur Combat. Et j'écoutais récemment... DJ Tower of Death qui parlait de cet album avec, je dirais, minimalement un certain découragement. oui, effectivement. Beyond the Gates, le deuxième album et le dernier de la formation Possess, est vraiment un album parfois pitoyable, je dois le dire. Si on le compare au premier Seven Churches, qui est pour moi un pur chef-d'œuvre avec un impact extraordinaire, Beyond the Gates fait piètre figure. La qualité d'enregistrement y est pour beaucoup, évidemment, parce que faute de moyens, je suppose, encore ici. Et je comprends difficilement parce que le premier album s'est très bien vendu. C'est une question d'avoir probablement choisi peut-être la mauvaise équipe de studio. Je peux pas vous dire, peut-être qu'ils avaient déjà tout bu leur argent. Peut-être aussi qu'il n'avait plus pour aller enregistrer, j'ai aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, les compositions, les nouvelles pièces qui apparaissent sur Beyond the Gates sont passablement ordinaires, voire mauvaises par moment, mis à part quelques rares exceptions, comme entre autres Tribulation, qui est une pièce que moi je trouve fort correcte. Là, c'est probablement selon moi le highlight là, de l'album, qui ressemble le plus à ce qu'ils ont fait qu'avec Seven Churches. Justement, nous avions les Allemands Creator, pièce tirée du deuxième album Pleasure to Kill, soit de Pestilence. Ici, déjà, on voyait une nette amélioration au niveau de l'enregistrement comparativement au premier, Endless Pain, qui était, en plus de ne pas être tight, si vous voulez, en français, c'est... j'en ai aucune idée, comment on dit tight en français? Droit, je sais pas, dans les temps, peu importe. En plus de ne pas l'être, justement, ben la qualité était assez ordinaire. Mais Pleasure to Kill, c'est un très bon album qui est apparu sur Noise à l'époque, soit également en 86. Et nous avions ouvert avec Voivod, formation canadienne, qui, elle non plus, n'a plus besoin de présentation. Et la pièce Kurgle, l'Exterminator, c'est la pièce d'ouverture de l'album Roar, qui était leur deuxième paru sur Noise également. Et ici aussi, on voit que malgré l'effort musical produit par Voivod, la qualité de recording n'était pas au rendez-vous. Il ne pouvait pas mettre à sa juste valeur ce percutant album paru par la formation canadienne qui, je dirais, avait déjà passablement le vent dans les voiles, même à cette jeune époque pour eux de leur carrière. Donc, c'était un petit bloc consacré à l'été, oui, à l'année 1986. Ce soir, à l'émission... j'ai une présentation d'une nouveauté qui porte le titre de Principality of Hell, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, et Rock Classique aussi vendredi. Et pour le reste, c'est une émission dite régulière, pour ainsi dire, avec des formations qui sont se promènent entre le trash, le death et le plus extrême par moment. J'aurai une relativement longue chronique de cinéma et une courte chronique musicale. Et, aussi bien continuer tant qu'à dire n'importe quoi, comme ça m'arrive très souvent. On va continuer dans le mouvement thrash metal, cette fois-ci, avec un heureux mélange des années 80 et 90, dans lesquels on va entendre des formations excessivement puissantes, soit Dark Angel, Exodus. Mais on va débuter tout de suite avec une pièce tirée du quatrième album des Thrasher, The Testament, soit Soul of Black, et la pièce étant Falling Fast. C'est parti. Fire my eyes! Nothing can save them now!

Chers partenaires de la radio Cifou 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan présente plusieurs événements culturels en Mauricie. Tu es passionné? Tu aimes quand ça bouge? Pour savoir tout ce qui se passe et où ça se passe, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Encouragez la cause Movember avec le Trou du Diable et le groupe Lady Muffin Top. Du 21 au 27 novembre, à chaque pinte de McTavish in Memoriam et de 100 d'encre coulée, 1$ sera remis à la Fondation Movember. Parmi les établissements de la Mauricie participants, le Manchester Pool Pub, Angéline, le Boc, Brew Pub et restaurant Le Trou du Diable et le Salon Wabasso de la Chope du Trou du Diable. Pour plus de renseignements, rendez-vous au troududiable.com/Movember 2016. Jeudi 24 novembre, l'émission Très Blues Assez Fou vous parviendra en direct du restaurant Sports de Trois-Rivières. Denis Baudin et Steven Hubert recevront sur place leur collaborateur Paul Deslauriers, candidat au titre de guitariste blues de l'année au Canada. Venez les rencontrer pour 3 heures de blues dans la nouvelle ambiance du restaurant Sports. L'émission Très Blues Assez Fou, ce jeudi dès 19h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Alors que le rap québécois a récemment reçu une attention inégalée, quelques-uns de ses protagonistes les plus en vue se réunissent afin de mettre sur pied une tournée à travers la province. Corias, Brown et À la claire ensemble se feront un plaisir en prenant part à l'hostie tour avec un clin d'œil à leurs prédécesseurs. Comme en 68, on retrouvera sur scène la folie d'une gang de chums réunis et dans le public, la jeunesse scandant les textes des poètes d'aujourd'hui, fiers de participer à la modernisation de la chanson québécoise. 20$ pour les étudiants de l'UQTR, 25$ en admission générale sur le site lepointdevente.com. Pour voir Corias, Brown et À la claire ensemble, c'est le 24 novembre au 10-12 de l'UQTR. Yeah. J'étais sous les black lights quelque part dans un party downtown. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. 89. Hey! 20h01, vous êtes à l'écoute de réanimation The Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Juste avant cette succulente pause publicitaire, nous avons eu la formation. Ben, justement, je vais demander à un fin connaisseur, une sommité en la matière de métal, qu'est-ce qu'il pense de cette formation et de cet album Darkness Descends de Dark Angel. Je suis entièrement d'accord avec toi, Horace. C'est un excellent album. Ça fait partie de mes albums fétiches metal à vie, soit Darkness Descends, qui était le deuxième de cette formation américaine paru en 86 sur Combat, la pièce étant Perish in Flames. Ce qu'il faut savoir avec Dark Angel, c'est que malheureusement, je dois dire, à l'instar peut-être un peu de Possess, c'est qu'ils en ont fait quelques-uns de plus des albums, mais pas énormément. Ils sont pas tous terribles à part Darkness Descends. C'est comme, je sais pas, à cette époque-là, les bands sortaient des albums qui étaient vraiment canons, qui étaient des véritables bombes, puis après ça, on aurait dit qu'ils avaient tout donné ce qu'ils avaient à donner. Bon, peu importe, cet album-là est encore très iconique. Juste avant, une autre formation américaine, en fait, c'est un bloc américain en entier, avec Exodus et Allison in Violence, qui est tiré de leur premier album, Bonded by Blood, qui, lui, est paru en 85 sur Tarid. Nous avions Metallica. Ben oui, hein, comparativement à ce que je parlais la semaine dernière et la discussion qu'on a eue, Rockmaster et moi, à propos du nouvel album de Metallica, ça c'est à des années-lumière, là. Je parle qu'ici, c'est bon. Phantom Lord, tiré du premier album Kill 'Em All de 1983 sur l'étiquette Megaforce. Et nous avons ouvert avec Testament, La pièce Falling Fast, tirée de leur quatrième parution, Soul of Black, qui lui est paru en 90 sous étiquette Atlantic. Et ici aussi, Soul of Black, ça sonne assez bizarre, hein. Je veux dire, côté qualité de production, là, on peut pas se vanter là, que c'est le top niveau. C'est très clair. C'est manque de basse, manque de bas médium, de haut médium. Ben, haut médium, oui, sont assez présents, là, mais les bas médiums, les basses sont pas très, très, très actives et actifs. Donc, ça fait un album qui est un peu strident, je trouve. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, faut bien faire avec. Côté cinéma et séries télévisées, bien, le 2 décembre, c'est dans peu de temps, il y a une formation, oui. Une production d'horreur qui porte le titre de Incarnate, qui, entre autres, si je ne m'abuse, est du producteur de Insidious, qui parle bien sûr de possession, bien entendu. Je vais être curieux de voir ça, bien, ça c'est sûr et certain. Et le 9 décembre, c'est Friend Request, qui est un autre film d'horreur, mais qui traite des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, voilà. Bof, moi, dans ce qui me concerne, c'est peut-être pas si de l'horreur que ça, c'est peut-être la réalité. dans les trucs qui sont en salle actuellement, c'est Hacksaw Ridge, un film historique, connotation guerre, qui est avec Andrew Garfield, Sam Worthington et Vince Vaughn. C'est un film de Mel Gibson, une excellente critique, excellente cote, ce film. Je vais me proposer de le voir éventuellement, ça c'est certain. La semaine dernière, je vous disais que j'avais débuté à peine les séries 11-22-63 ou 11-22-63, si vous préférez, qui est une série de Bridget Carpenter, dont les producteurs... Ben, en fait, c'est tiré de la nouvelle Stephen King, dont les producteurs sont Stephen King et J.J. Abrams, et qui mettent en vedette James Franco. C'est une série de... c'est une série de science-fiction fantastique, connotation thriller, et qui raconte l'histoire de J.K. Pings, qui a une vie relativement, très peu trépignante, voilà. Il est suppléant comme professeur et il se dit écrivain. En fait, il a pas fait grand-chose jusqu'à présent, mais bon. Et puis, il est sur le... En instance de divorce, bon, on sait plus trop où ce qu'il est. Et puis finalement, ben, son grand copain, qui est un tenancier de restaurant, genre snack bar, lui explique qu'il y a une porte temporelle dans son restaurant qui l'amène en 1960 et que lui, depuis des années, essaie de trouver et d'élucider qui aurait réellement tué John Fitzgerald Kennedy. En 63, bien sûr, le 22 du 11 63. Ben, c'était comme aujourd'hui, mais en 63, voilà. Et que lui, malheureusement, a attrapé le cancer dans le passé, mais il le vit au présent. Et qu'il doit confier cette mission à Jake Epping, qui est joué par James Franco. Ben, écoutez, j'ai la moitié de la série d'écouter jusqu'à présent, là, puis je peux vous dire une chose, là. C'est assez simple, c'est assez court, ben, c'est fantastique. Et pas dans le sens que c'est du style fantastique, mais que c'est vraiment une série fantastique. C'est vraiment, vraiment très, très bon. James Franco, qui est pas initialement un acteur que j'aime énormément, ici, je dois lui lever mon chapeau parce qu'il fait un travail vraiment incroyable. Et la façon dont on amène tout, de la façon dont le scénario s'est tissé, c'est d'une originalité extraordinaire. Et de plus, les reconstitutions des années 60 sont vraiment là, absolument hallucinantes. Là, on a vraiment l'impression d'être dans les années 60 et le moindre détail est fort respecté. Donc, 11-22-63, c'est une première saison là, qui est vraiment, vraiment à voir. J'ai écouté finalement le film d'action fantastique de DC Comics, Suicide Squad, qui est un film de David Ayer qui met en vedette Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn et Will Smith, entre autres. Ben, c'est bon. Oui, j'ai trouvé ça correct. Par contre, je trouve que le film se perd un peu dans ce qui devrait être une ligne de conduite, une ligne à suivre. Je trouve que c'est un peu brouhaha par moment, c'est un peu brouillon même. Les personnages, ben, certains personnages, comme celui dont j'oublie le nom, qui est interprété par Will Smith, et bien sûr Harley Quinn, sont vraiment des personnages très très cool, très coloré. Je me serais attendu un peu plus dément que ça, par contre. C'est quelques réserves, selon moi, qui ont une espèce de petite retenue. Là. On aurait dû mettre des personnages encore plus déments que ça et plus débiles, selon moi, étant les plus grands criminels du pays, mais bon. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'effets intéressants. L'histoire, je la trouve un peu gaga, je dois dire. Et honnêtement, j'ai trouvé, comme je le disais d'emblée, que le film tend à vouloir tanguer entre la gauche et la droite sans vraiment suivre une ligne directrice. Donc, c'est un film qui est distrayant, oui, mais c'est pas mon meilleur film de super-hero. Et je dirais pas loin de là, mais non, c'est pas mon meilleur film. Et je le casserais même probablement même pas dans mes 10 meilleurs. Par contre, c'était vachement meilleur que le film de Funhouse Massacre, qui est un film d'horreur avec annotation comédie. Et comédie, là, c'est parce qu'on le dit, parce que j'ai rien trouvé de drôle là. Qui met un film de Andy Palmer que je ne connais pas. Et on fait encore une fois, puis ça c'est déplorable, là. On prend un gros nom, oui, relativement Robert Englund, le fameux Freddy Krueger, et on veut attirer les gens avec ça, alors qu'il joue à peu près entre 10 et 12 minutes dans le film au début. Après ça, on le voit plus. Bon, il s'est fait assassiner. Et ça raconte l'histoire de serial killers qui sont en fuite et qui arrivent dans une baraque de fête foraine pendant l'Halloween et qui font des carnages. C'est une série B-. Je dirais B-, même, à la rigueur. Et puis, c'est d'un ennui assez mortel, mais pas dans le bon sens du terme. Bien sûr, pour un film d'horreur, c'est à éviter, je pense. Oui. Autre truc que j'ai vu qui est un documentaire cette fois-ci et qui, lui, est fort bien réalisé de Ron Howard, c'est The Beatles 8 Days a Week, qui met en vedette, ben oui, effectivement, Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr et George Harrison, les vrais de vrais Beatles. C'est un documentaire qui se consacre à l'époque des tournées des Beatles, alors qu'ils ont commencé à prendre vraiment, mais avoir beaucoup de succès en Angleterre, en Europe, et leur traversée de l'océan pour venir aux États-Unis avec leur appréhension, et ainsi de suite, et la fabuleuse réponse qu'ils ont eue, quasi instantanée, bien entendu. C'est très bien fait. On ne s'attarde pas à des aspects qui sont, qui étaient très secondaires pour cette période-là, là. En fait, ils allaient bien, les Beatles, à cette époque-là. Soit il n'y a pas de dissension, on voit pas de prise d'égo, de chicane ou de... On ne parle même pas vraiment en tant que tel de la séparation proprement dit. On amène l'aspect des tournées des Beatles, comment ça se passait dans les stades qui étaient hyper bondés, quels étaient les problèmes techniques, bien entendu, rencontrés à l'époque, parce qu'on parle pas de système de PA, là. Les Beatles jouaient aux amplificateurs. Il y a vraiment un petit gag qui dit de la part de George Harrison à un certain moment donné qu'on avait changé nos amplificateurs et on devait avoir un bon 100 watts, là. Donc, mais pour jouer devant des 20 et 30 000 personnes, c'est pas suffisant, là. Donc, c'est vraiment bien, The Beatles, The Days a Week, je le recommande pour, pas nécessairement les amateurs de Beatles, qui sont des vrais amateurs de Beatles, mais pour des gens qui veulent connaître un peu l'histoire du rock, qui veulent connaître comment les Beatles ont débuté, parce qu'on voit un peu leur début, on voit aussi quelles étaient leur grande affinité ensemble à leur début pendant une bonne période de leur carrière, quelles étaient la complicité, mais quelles étaient aussi leur volonté de percer. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose de bien. Je vous le conseille tout à fait. Autre film que j'ai vu, qui est un film très thriller, effectivement, il porte très bien son nom, il s'appelle Don't Breath, qui est un film de Fade Alvarez, qui met en vedette Stephen Lang, Gene Levy et Dylan Minnette. Eh oui, Dylan Minnette, c'est tout un nom, ça. En fait, c'est un bon film, et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui veut échapper à la violence familiale, principalement de sa mère, qui est une parfaite, déjantée, alcoolique, et c'est une véritable pute, voilà. Et de sa jeune sœur, qui demeure à Détroit, et on sait que Détroit, il y a des quartiers qui sont plus tellement habités, puis plus tellement habitables non plus, là. Donc, elle décide qu'elle voudrait s'en aller en Californie, puis refaire une nouvelle vie avec sa petite sœur pour la sortir de ce milieu-là. Et la seule façon qu'elle a, parce que sont dans un milieu très défavorisé, ben, c'est de faire des vols. Et elle s'est associée avec deux autres garçons. Et finalement, de fil en aiguille, celui qui est la tête brûlée de la gang entend dire que un ancien militaire de carrière qui était en Afghanistan, et ainsi de suite, s'est vu recevoir une très grosse indemnité monétaire parce que sa jeune fille a été frappée, happée par une autre jeune fille en voiture et a été tuée. Donc, les indemnités gouvernementales lui ont donné une très grosse somme. Et eux se disent, ben, il vit seul dans ce quartier qui est abandonné, en ermite, on va y aller. Et ça dégénère. Mais de façon lamentable pour cette pauvre équipe d'imbéciles. Donc, moi, j'ai trouvé que ça arrête pas le film, arrête vraiment pas. C'est vraiment un film thriller. C'est pas un film d'horreur, proprement dit. C'est vraiment un film de suspense. Don't Breathe, c'est un bon moment de cinéma, honnêtement. Et j'avais pas vraiment d'attente. Il m'a fort surpris, ce film. La semaine prochaine, je vous parlerai possiblement, si j'ai le temps, je devrais avoir le temps, de nouveau Jason Bourne, qui met en vedette Matt Damon et Tommy Lee Jones, ainsi qu'un biopic, un trailer biopic qui s'appelle Snowden, qui met en vedette Joseph Gordon-Levitt, qui est un très bon acteur, et qui raconte l'histoire d'un jeune dont le rêve est de rentrer à la CIA, mais qui se rend compte que c'est peut-être pas ce qu'il croyait. Voilà. Musicalement. Je vais vous parler de ce que je vous présente à l'instant. Mille pardons. Formation grecque du nom de Principality of Hell qui donne dans un black trash metal. Et donc, c'est le deuxième album qui est paru le 28 octobre dernier, donc il y a un peu moins d'un mois. Je l'ai découvert un peu par la suite, qui porte le titre de, je l'ai dit, je crois, Sulfur and Bane, mais peu importe, qui est sur Osmos Production. Formation qui, dont au départ, la pochette m'a bien attiré parce qu'elle me rappelait énormément les pochettes de Venom. Et ce n'est pas que la pochette qui se rapproche de Venom, parce que la musique elle-même, d'une certaine façon, on voit que les musiciens, qui est un trio, ont probablement qu'ils ne sont pas nécessairement des jeunes là, dans la vingtaine, je dirais plus des gens qui approchent la quarantaine ou peut-être dépassés, qui ont probablement été influencés par Venom. Il y a même à certains moments donnés certaines influences de Hellhammer, mais attention, là, on ne parle pas de... je sais que ceux d'entre vous qui sont familiers avec Hellhammer, le pré-Celtic Frost, si on veut, c'était assez tout croche, merci, la qualité sonore était vraiment pitoyable. Non, ici, évidemment, là, c'est avec une qualité supérieure. C'est pas une grande formation, c'est pas des pièces à s'en tirer par terre ou à se tirer sur les murs, non, mais c'est fort correct. Je vous propose d'écouter trois pièces de ce deuxième album, Sulfur and Bane. Immédiatement, on va débuter avec la pièce qui porte le titre de, une façon un peu de faire un petit clin d'œil, c'est Blood Moon Rising, Principality of Hell. Let's go! Yeah. programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fous. Pierre partenaire de la radio Cifou 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose des visites de brasserie pour seulement 5 $. Tu es curieux de savoir comment ça se brasse? Pour savoir où ça brasse et comment ça se brasse, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Monsieur Pilote, j'aime bien vos nouvelles lunettes. C'est quand même spécial, là, des Ray-Ban noirs. Ah, merci. Mais ça doit cacher les rayons. Oui. Mais là, par contre, on perd quand même 500 mètres d'altitude par seconde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Attends une minute, je vais vérifier ça. Rex? Ouais, tu vas remonter ça de 300 mètres. C'est qui ça, Rex? C'est mon chien Mira. Hein? Il y a des choses qui s'improvisent pas. Pour tout le reste, il y a la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières, les lundis 20h à la Chasse-Galerie de l'UQTR. Relax, déconnecte, mot-clic, ose la luître. Vous êtes geek et vous vous assumez? Le Mathieu Planchon aussi. Retrouvez la chronique télévisuelle Television, le bloc Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, C'est un fait Tech Edition et d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Planchon avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. C'est fou! 89. Je vous ai présenté la formation grecque Principality of Hell et trois pièces tirées de leur deuxième album, Sulfur and Bane, qui est paru le 28 octobre dernier. C'est une formation qui existe, qui est assez jeune, qui existe depuis 1913, oui, c'est assez jeune, oui. 2013, qui vient de Athènes, qui donne dans un black trash metal dont les sujets principaux sont Satan, l'enfer, l'occultisme et les sacrilèges et le satanisme, bien entendu. Je sais pas si, comme moi, vous avez trouvé que ça vous rappelait un peu Venom et peut-être même Hellhammer, une espèce d'amalgame plus actuel, bien entendu. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et je disais tout à l'heure qu'ils ont été probablement influencés par ces formations. Oui, parce que si on prend le bassiste-chanteur qui porte le nom de Magus, de son vrai nom, George Zakharopoulos, eh bien, il a 46 ans. Donc, c'est normal qu'il ait connu ses formations. Et chose intéressante, c'est qu'il a été claviériste en 93 et 94 pour Rotting Christ. Et de même que le guitariste qui porte le nom de L, mais E-L, Bill Zavolas, qui lui est âgé de 41 ans, eh bien lui aussi a fait partie de la formation Rotting Christ, mais à titre de musicien de spectacle. Moi, ça m'a bien plu. Je serais curieux d'entendre le premier album de 2014 qui porte le nom de Fire and Brimstorm. Je vais sûrement essayer de trouver cet album. Tant qu'à lui, Sulfur and Bane, ben, il est disponible en CD et en vinyle, en LP si vous préférez, mais en version limitée. Donc, ça se trouve, oui, effectivement. Faut peut-être y mettre un petit peu plus le prix. Mais c'est un bon album. C'est assez intéressant. Autre truc musical... ben, la semaine prochaine, je vais vous présenter la formation des Pays-Bas Soulburn qui donne dans un Death Black Doom Metal. Et l'album Earthless Pagan Spirit, qui est paru sur Century Media il y a peu de temps, qui est disponible lui aussi en CD et en LP, en vinyle si vous préférez. C'est un troisième album pour eux. Je les ai découverts avec cet album Earthless Pagan Spirit et j'ai trouvé ça, ma foi, assez intéressant. Autre truc que j'ai écouté et que je ne m'étais jamais attardé à cette formation Devilment, qui donne dans un symphonic gothic groove metal, formation britannique qui sortait leur nouvel album Two de Mephisto Waltzes sur Nuclear Blast. Ben c'est un side project de Danny Field de Cradlefield. C'est leur deuxième album. Je m'étais jamais vraiment intéressé à ça, mais là je me suis dit bon, je manque de choses à dire. Non, c'est faux. J'ai toujours plein de choses à dire. Mais j'étais curieux. Et finalement, ben c'est pas bon. Mais j'ai trouvé ça merveilleusement mauvais. Mis à part peut-être. La première pièce. Parce que pour le reste, ça se rapproche énormément de Marilyn Manson. J'ai rien contre Marilyn Manson. Je trouve qu'Al Rigan, c'est quelqu'un de relativement original. Mais moi, quand on m'amène à des trucs là, qui vont ressembler là, à... Comment ça s'appelle? Non. J'ai un blanc de mémoire, là. Ben, voyons. Quel est le nom de ce band, déjà? Evanescence. Non, mais ça m'a fait penser à ça par moment, parce qu'il y a un vocal féminin qui est assez présent, qui s'appelle Sophie Moon, avec un PJE, là, je sais pas trop comment le présenter. Bon, peu importe, là, j'ai trouvé que c'était vraiment mauvais. La qualité d'enregistrement est vraiment excellente, là, mais les pièces, là, par bout, là, c'est quasiment de la pop, là. Donc, non, merci, Danny Field. Tu peux continuer à t'époumoner avec Cradlefield, mais tant qu'à moi, là, au Devilment, c'est une finale à bâton là-dessus. Le 9 décembre prochain, pour les amateurs d'atmosphérique funeral doom metal, une formation de la Finlande qui porte le nom de Shape of Despair. Moi, j'aime bien ce qu'ils font. Ça peut être par moments assez lourd et assez dark. Et aussi très céleste en contrebalance. Donc, nouvel album Alone in the Mist qui apparaîtra le 9 décembre sur Season of Mist en format CD et vinyle aussi. Ça fait plusieurs années que Shape of Despair n'a pas fait quelque chose de nouveau au niveau du studio. Je suis curieux d'entendre ça. C'est le 9 décembre prochain. Je vous rappelle que cette semaine, pour les vrais amateurs de vrai rock, c'est rock classique. Ce vendredi, dès 11h, sur les ondes, ici même, de C'est Fou. Et le Rockmaster fera cavalier seul cette semaine, puis il se fera un beau petit spécial Thanksgiving. Il semble-t-il même qu'il y aurait un invité spécial pour lui donner un coup de main au niveau d'animation. C'est à suivre, je ne suis pas plus au courant que ça. Non, c'est pas vrai, je le sais, mais je le dirai pas. Je pourrais pas y être parce que pour la période de l'Action de Grâce, ben je vais la passer aux États-Unis et puis je fais partie d'un échange culturel. Donc je vais passer le congé de Thanksgiving dans une famille typiquement du Midwest. Puis en échange, eux, comme c'est une espèce de, moi je pourrais dire, d'un échange culturel, ben eux, ils m'ont envoyé deux boîtes de Tide. Donc, moi, c'est moi qui vais être gagnant, les autres vont être perdants. voilà. Le Rockmaster va vous passer des nouveautés telles que The Agonist, Alcest, Chariots of the Gods, Ellerian et Red Fang. Puis dans la chronique des groupes obscurs, il va vous parler d'une formation américaine qui est de la fin des années 60 du nom de Sacred Mushroom. Bien d'autres choses intéressantes à ce rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Ce vendredi dès 11h. Et aussi pour les amateurs de métal. Je sais que vous êtes légion à écouter Réanimation et je souhaite que vous soyez aussi légion à écouter Subversion avec mon ami DJ Tower of Death sur les ondes de Underground Québec. C'est le vendredi dès 18h30 et vous pouvez aller retrouver tous les balados de diffusion ou les podcasts sur SoundCloud. Et si vous voulez lire des articles qui, ma foi, sont surprenants parce que ce cher ex-assistant et ami, le sinistre gobelin puant sinistros et pestilentiel, voilà, eh bien, une belle plume. Et vous pouvez aller lire ses chroniques sur toutes sortes de choses qui sont principalement sur les spectacles, sur les albums, le cinéma, les séries télé, sur hurlemort.com. Voilà. Toutes les plugs sont faites. Je vais pouvoir dormir tranquillement et en paix. Je vous amène maintenant vers un bloc qui sera un peu plus axé vers le death metal, qui devrait conclure cette émission de réanimation. Oui, j'en suis plus que certain que ça va conclure l'édition de réanimation, donc je vais faire la nomenclature immédiatement. On va entendre Blood Red Throne et la pièce Unit of Flesh and Machine, qui est la pièce titre de cet album qui est paru, le 8e album paru le 15 juillet dernier sur Candlelight. Ça va être suivi de Bloodbath, formation suédoise, et la pièce Let the Stillborn Come, qui est tirée de Grand Morbid Funeral, leur quatrième paru et leur dernier en ligne d'aujourd'hui, paru en 2014 sur Peaceville. Body Farm, une formation des Pays-Bas, et la pièce Eternal Fire, qui est tirée de leur avant-dernier album, The Coming Scourge, le troisième, paru en 2013 sur Cyclone Empire. Et on va conclure ce bloc avec Behemoth, cette formation polonaise qui est, ma foi, fort singulière et puissante, et une pièce qui est tirée de The Satanist, leur dixième paru en 2014 sur Nuclear Blast, soit Blow Your Trumpets, Gabriel. Donc, restez à les ondes, sur les ondes de C'est Fou, parce que Matière Noire s'en vient à 21h. Moi, je serai là la semaine prochaine pour pour je sais pas trop quoi, là. Probablement pour vous entretenir musicalement, pour vous dire des choses qui se tiennent pas debout, dès 19h pour notre édition de réanimation. Je me demandais, tu pourrais peut-être être poli pour une fois, Horace, puis laisser saluer les auditeurs avant de quitter. Ah ben, c'est ça. Je peux pas répéter ça. C'est quelle grossièreté. Donc, musicalement, on se quitte avec Blood Red Throne et tout ce que je vous ai nommé. On se retrouve la semaine prochaine. Et bien entendu, d'ici là, ben, quel conseil autre que vous donner que de tous aller vous faire foutre. OK, let's go. See you.